الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Toujours dans le livre Taysir al-Allam, Sharh Umdat al-Ahkam. La semaine dernière, on avait continué l'explication. On avait commencé l'explication. Non, on avait continué l'explication du hadith de Abdullah ibn Abbas et du hadith de Abdullah ibn Umar, les hadiths 207 et 208 sur les mawaqit, sur les délimitations terrestres. On avait cité le reste des mawaqit, qarn al-manazil, dhatu irq. On avait cité la divergence des savants. Et on s'est arrêté au sens général du hadith ou des hadiths. قال المؤلف رحمه الله المعنى الإجمالي. Donc pour ceux qui ont l'édition de Dar al-Maiman, c'est en page 573 du premier volume. المعنى الإجمالي لهذا البيت الحرام التكريم والتعظيم والتقديس والإجلال ومن ذلك أن جعل له حدود لا يتجاوزها قاصده بحج أو عمرة إلا وقد أحرم وأتى في حال خشوع وخضوع وتقديس وإجلال عبادة لله واحتراما لهذا البيت المطهر ومن رحمة الله بخلقه أنه لم يجعل لهم ميقاتا واحدا في إحدى جهاته بل جعل لكل جهة محرما وميقاتا لئلا تلحقهم المشقة بقصدهم ميقاتا ليس في طريقهم حتى جعل ميقات من داره دون المواقيت مكانه الذي هو فيه حتى أهل مكة يحرمون بالحج من مكة فليلزمهم الخروج إلى الحل كفعلهم بالعمرة. Le sens général de ce hadith. Cette maison sacrée a un caractère noble, une grande importance, et c'est pour cela que des frontières ont été mises en place. Celui qui veut se rendre dans la maison sacrée, en voulant accomplir le Hajj ou la Umrah, ne doit pas dépasser ses frontières et ses délimitations terrestres qu'en étant en état d'ihram. Et en venant dans cet état d'humilité, dans cet état d'immensification, en guise d'adoration à Allah Azzawajal et en guise de respect pour cette maison sacrée. Et parmi la miséricorde d'Allah Azzawajal envers ses serviteurs est qu'il n'est pas défini qu'une seule et unique frontière, une seule et unique limite terrestre, dans un seul ou dans une seule direction. Au contraire, Allah Azzawajal a fait dans chaque direction un miqat. Effectivement, quand on voit les mawaqit, les différentes limites terrestres, elles couvrent l'ensemble des directions. Au nord, est-ce qu'il y a un miqat? Oui, c'est Dhul Hulayfa. À l'est, à l'ouest, est-ce qu'il y a un miqat? Oui, c'est Al-Juhfa. Au sud, est-ce qu'il y a un miqat? Oui, c'est Yalamlam. Et à l'est, est-ce qu'il y a un miqat? Oui, il y a Qarn al-Manazil, il y a aussi Dhatu Irq. Donc, l'ensemble des quatre directions, nord, ouest, sud et est, contiennent des délimitations terrestres. Ceci afin que les gens n'éprouvent pas de difficultés et de contraintes lorsqu'ils veulent se rendre à la Mecque et que le miqat n'est pas sur leur route. Au point même que celui qui habite entre le Miqat et la Mecque, alors sa délimitation est l'endroit dans lequel il se trouve. On a dit que celui qui est entre les Mawaqit, entre les délimitations terrestres et la Mecque, qui veut accomplir le Hajj ou la Umrah, il part directement de chez lui et ne se rend pas au Miqat. Seront au Miqat ceux qui sont à l'extérieur du Miqat. Ceux qui sont à l'extérieur du Miqat. Même les gens de la Mecque, lorsqu'ils veulent accomplir le Hajj, le font depuis la Mecque. Il ne leur est pas demandé de sortir vers Al-Hil, c'est-à-dire en dehors de la terre sacrée, comme ils le font pour la Umrah. Car les gens de la Mecque, même s'il y a un khilaf des savants sur est-ce que les gens de la Mecque accomplissent la Umrah ou pas, car la Umrah, c'est, son sens linguistique, c'est Ziyara, c'est la visite. Et certains savants ont dit que les gens de la Mecque n'ont pas de Umrah. Car la Umrah, le but, c'est de visiter. Or, ceux de la Mecque sont tout le temps au haram. Donc, ils n'ont pas besoin de visiter. À la kulli hal, indépendamment de cette divergence, pour ceux qui considèrent que les gens de la Mecque ont une Umrah, les gens de la Mecque, pour faire la Umrah, doivent sortir au Hil. Ils doivent sortir à l'extérieur de la terre sacrée de la Mecque. Comme l'a dit le prophète Hassam à Aïcha, lorsqu'elle a voulu accomplir une Umrah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé d'aller au Hil, de sortir de la délimitation de la terre sacrée. Et là, on ne parle plus de Miqat pour les gens de la Mecque qui veulent accomplir une Umrah, mais on parle de Hil. Ils doivent sortir de la terre sacrée, car il y a le Miqat et il y a la terre sacrée. La terre sacrée de la Mecque, la délimitation de la terre sacrée de la Mecque est autre que les délimitations terrestres pour ceux qui veulent accomplir le Hajj ou la Umrah. Ma yukhadu min al-hadith, ce que l'on retient du hadith. Ja'lu hadhihi al-amkinata al-madhkurata mawaqit la yahilu liman arada nusukan tajawuzuha biduni ihram. Ce que l'on retient de ces hadiths. Premièrement, que tous ces endroits qui ont été cités sont des délimitations terrestres. Il est interdit pour celui qui veut accomplir un rite, c'est-à-dire le Hajj ou la Umrah, de les dépasser sans être en état de sacralisation. Thaniyan, inna miqat man dun al-mawaqit min makanihi alladhi huwa sakinun fihi. Deuxièmement, que le miqat de ceux qui habitent en deçà des délimitations terrestres, donc entre le miqat et la Mecque, que leur miqat à eux est l'endroit dans lequel ils résident. Et ici, une parenthèse, lorsque Achir al-Bassam dit dans l'endroit dans lequel il réside, car c'est ce qui est le plus courant. C'est ce qui est le plus courant. En général, ceux qui habitent entre le Miqat et la Mecque, lorsqu'ils vont accomplir le pèlerinage, le Hajj ou la Umrah, partent de chez eux. Mais il est possible qu'ils ne partent pas de chez eux. Tu peux très bien rendre visite à un proche qui habite à une trentaine de kilomètres de chez toi, mais qui est toujours dans cet endroit entre le Miqat et la Mecque, et de chez lui, vous décidez par exemple de faire la Umrah. Et toi, donc, tu mets ton ihram depuis la personne que tu as visitée. Est-ce que tu as le droit ou est-ce que tu dois obligatoirement retourner chez toi? Non, tu as le droit de le faire là où tu es. Car le prophète Hassan a dit, dans le hadith que l'on a vu, وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ حَيْثُ أَنْشَأ. Et celui qui est en deçà des limitations terrestres, alors son miqat est de là où il a l'intention de l'accomplir. Que ce soit chez toi ou que ce soit en dehors de chez toi. ثَلِثًا إِنَّ مِقَاتَ أَهْلِ مَكَّةَ مِنْهَا. وهذا في الحج أما العمرة فلا بد من الخروج إلى الحل وهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة وقال المحب الطبري لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة وقصة عائشة مشهورة ثابتة فلا يقاومها مفهوم الحديث. Troisièmement, on retient ce hadith que le miqat des gens de la Mecque et la Mecque. Le miqat des gens de la Mecque et la Mecque, ceci pour celui qui veut accomplir le pèlerinage. Quant à la Umrah, celui qui habite à la Mecque et qui veut accomplir la Umrah, il doit obligatoirement sortir à l'extérieur de la terre sacrée, et c'est l'avis de la majorité des savants, parmi eux les quatre imams. Et Al-Muhib al-Tabari a dit, je ne connais personne qui considère la Mecque comme un miqat pour la Umrah. Comme un miqat pour la Umrah, pour les gens de la Mecque. Et l'histoire de Aïcha, connue et authentique, ne peut être rivalisée par la compréhension de ce hadith. Que veut dire cette parole de Cheikh Al-Bassam? Et l'histoire de Aïcha, connue et authentique, ne peut être concurrencée ou ne peut être devancée par la compréhension de ce hadith. Dans le hadith de Aïcha radiallahu anha, le prophète sallam a dit clairement à Aïcha de sortir de la terre sacrée. Et elle est partie accompagnée de son frère Abu Bakr, de son frère Abdurrahman, pardon. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit textuellement de partir à l'extérieur de la terre sacrée, puis de faire l'ihram et de venir accomplir sa umrah. Dans le hadith que l'on a étudié ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَى. Et celui qui est en deçà des délimitations terrestres, alors qu'il fasse son ihram de là où il se trouve. On comprend de ce hadith, de là où il se trouve, c'est-à-dire même s'il se trouve à la Mecque, que ce soit pour accomplir une umra ou pour accomplir un hajj. C'est ce que l'on comprend, ce que l'on peut comprendre de ce hadith. Or, le hadith de Aïcha, les savants disent que c'est un hadith mantouq, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé. Et ici, c'est une compréhension du hadith. D'accord? Et les savants disent que lorsque ce qui est cité contredit ce qui est compris, l'on précède ce qui est cité devant ce qui est compris. Ce qui est cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit textuellement à Aïcha de sortir de la terre sacrée. Et on comprend de ce hadith que l'on fait l'ihram, quel que soit l'endroit où on se trouve, si on est entre le miqat et la Mecque. Donc ici, il y a une contradiction entre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et ce que l'on comprend de ce hadith. Donc on précède al-mantouq ala al-mafhoum. On précède ce qui est cité textuellement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant ce que l'on comprendrait de sa parole. رابعا يدل قوله ممن أراد الحج والعمرة أن من أراد دخول مكة لغير حج أو عمرة بل لتجارة أو زيارة قريب ونحوه أنه لا يجب عليه الإحرام ثم إن تجدد له عزم على الإحرام أحرم من حيث عزم على أداء النسك ولو داخل المواقيت أو من مكة في الحج وفي هذه المسألة خلاف بين العلماء ويأتي تحقيقه قريبا إن شاء الله تعالى. Quatrièmement, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour celui qui veut accomplir le hajj et la umrah. Cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam prouve que celui qui veut rentrer à la Mecque pour une raison autre que le pèlerinage ou la umrah, comme pour le commerce ou la visite d'un proche ou autre, qu'il ne lui est pas obligatoire d'être en état d'ihram. Puis, si il entre à la Mecque dans le but de commercer ou de visiter un proche, par exemple, donc il entre, il n'est pas en état d'ihram. Mais une fois qu'il est dedans, une fois qu'il est à la Mecque, il a la résolution de vouloir accomplir le Hajj. Eh bien, dans ce cas, il lui est autorisé de faire l'ihram à l'intérieur de la Mecque pour accomplir le pèlerinage. Donc même si initialement il n'avait pas l'intention, donc il entre sans ihram, et que une fois à l'intérieur il veut accomplir le pèlerinage par exemple, alors il accomplit, il fait son ihram directement de la Mecque, et il n'y a pas de mal à cela. Et dans ce sujet, il y a une divergence entre les savants, c'est-à-dire, est-ce que celui qui entre à la Mecque pour autre que le Hajj et la Umrah, est-ce qu'il doit obligatoirement être en état d'ihram ou non? Les savants ont divergé sur ce sujet et Cheikh Al-Bassam dit que le sujet va être traité par la suite. Khamisan, رحمة من الله تعالى بخلقه حيث جعل لكل جهة ميقاتا يكون في طريق سلكه إلى مكة سواء أكان من أهل تلك الجهة أم لا ولو جعل الميقات في جهة واحدة لشق على من لم يأتي منه مشقة كبيرة. Cinquièmement, le retenu de ce hadith, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal envers ses créatures. Lorsqu'il a fait que des miqats soient présents, que des délimitations terrestres soient présentes dans chaque route qui amène à la Mecque. Que tu fasses partie des gens de cette direction ou non. Car on a dit que le professeur sallam a dit également pour celui qui les traverse, qui ne fait pas partie de ses habitants. Donc que celui qui n'habite pas à Médine, par exemple, qui ne fait pas partie des habitants de Médine, mais passe par le miqat de Dhul Hulayfa, c'est un miqat qui est pour lui. D'accord ? Par exemple, quelqu'un du Yémen qui vient, il va directement à Médine et il veut faire la Umrah ou le Hajj. Est-ce qu'on lui dit non, toi, le professeur Hassan m'a dit, les gens du Yémen, leur miqat c'est Yalam Lam. Et Yalam Lam, c'est au sud de la Mecque, à presque 560 ou 570 kilomètres de Médine. Est-ce qu'on va lui dire non? Toi, tu dois aller à Yalam Lam pour faire le miqat, tu ne peux pas le faire de Médine. Non, le professeur Hassan m'a dit, Hunna la hunna wa liman marra alayhinna min ghayri ahlihin. Les miqats appartiennent aux gens à qui ils ont été attribués et également à ceux qui les traversent ne faisant pas partie de ses habitants. Donc ceci est une miséricorde d'Allah Azza wa Jal, car si le Prophète n'avait pas dit cela, eh bien chacun devrait obligatoirement passer par le miqat qui lui a été attribué. Mais le fait que le Prophète Sallallahu Alayhi wa Sallam dise que ces miqats appartiennent aux gens qui leur sont attribués, mais également à toute personne qui passerait par ce miqat, même s'il ne fait pas partie de ses habitants. Ceci est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, s'il n'y avait qu'un seul miqat, cela aurait été une énorme contrainte pour celui qui ne fait pas par ou qui ne passe pas par ce chemin. Sadisan fi taqdir an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hadhihi al-mawaqit wa tahdidiha mu'jizatun min mu'jizatihi sallallahu alayhi wa sallam ad-dalati ala sidqi nubuwwatihi faqad haddadaha wa waqqataha wa ahluha lam yuslimu إشعارا منه بأن أهل تلك الجهات سيسلمون ويحجون ويحرمون منها وقد كان ولله الحمد والمنة. Sixièmement, dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait défini ses délimitations terrestres, il y a dans cela un des miracles parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui prouve la véracité de son message. Comment cela est-il un miracle? Cheikh Al-Bassam dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini ses délimitations terrestres alors que les gens qui lui sont attribués ne s'étaient pas encore convertis. Comme les gens du Shem par exemple. Pour ça, moi, les Ahl-Sham et les Juhfah. pour les gens du Shem, Al-Juhfa. Mais au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens du Shem ne s'étaient pas encore convertis à l'islam. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait attribué des délimitations terrestres à des gens qui, à son époque, n'étaient pas convertis, cela est un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu montrer par cela que les gens désignés allaient se convertir et qu'ils allaient accomplir le pèlerinage et qu'ils allaient prendre cet endroit défini comme une délimitation terrestre. Et c'est effectivement ce qui a eu lieu par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Sabi'an, ta'zimu hada al-bayt wa taqdisuh. إذ جعل له هذا الحمى الذي لا يتجاوزه من قصده بنسك إلا وجاء به منه معظما مكرما خاشعا خاضعا بهذه الهيئة الخاصة. Septièmement, le retient de ces hadiths, l'immensification de cette maison sacrée et son caractère sacré, car Allah Azza wa Jal lui a défini des frontières qui ne peuvent être dépassées par celui qui veut accomplir un rite, que ce soit le Hajj ou la Umrah, qu'en étant humble, qu'en étant craintif et modeste et revêtu de cette apparence particulière. Notamment lorsque les hommes sont revêtus des vêtements de l'ihram. اختلاف العلماء. أجمع العلماء على مشروعية الإحرام لمن أراد دخول الحرم سواء أكان دخوله لنسك أو غيره. وأجمعوا على وجوب الإحرام لمن أراد دخوله للنسك. واختلفوا في وجوبه على من أراد الدخول. على من أراد الدخول لغير نسك كدخوله لتجارة أو سكن أو غير ذلك. La divergence des savants. Les savants sont unanimes sur l'autorisation de faire al-ihram pour celui qui veut rentrer à la Mecque, pour celui qui veut rentrer dans la terre sacrée de la Mecque, que son entrée soit pour accomplir un rite ou non. Donc ici, de rentrer à la Mecque en état d'ihram, que cela est légiféré pour celui qui veut accomplir un rite, comme pour celui qui ne veut pas accomplir de rite, que cela est légiféré. Et l'on verra que sur ce point, les savants ne sont pas en réalité unanimes. Et l'on verra cela dans la fin de la parole de Cheikh Al-Bassam, rahimahullah. Et ils sont unanimes sur l'obligation d'être en état de sacralisation pour celui qui veut entrer à la Mecque pour accomplir un rite, que ce soit le Hajj ou la Umrah. Donc ici, les savants sont unanimes que cela est une obligation. Si tu veux accomplir le Hajj ou la Umrah, tu es obligé de rentrer à la Mecque en état de sacralisation. Et ils ont divergé sur l'obligation d'être en état de sacralisation pour celui qui veut entrer à la Mecque pour autre qu'un rite, comme le fait de rentrer pour le commerce, pour y habiter ou autre. Donc là se situe la divergence. فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى وجوب الإحرام على من دخله سواء أكان لنسك أو غيره مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم في مكة إنها حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت كحرمتها بالأمس واستدلوا بحديث ابن عباس عند البيهقي بلفظ لا يدخل أحد مكة إلا محرما قال ابن حجر إسناده جيد. Donc quel est l'avis des savants et la divergence des savants sur ce sujet, à savoir celui qui entre à la Mecque sans vouloir, sans avoir l'intention d'accomplir ni le pèlerinage, ni la Umrah, et qu'il veut entrer pour accomplir un commerce ou habiter ou autre, les trois imams, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik et l'imam Ahmed, sont de l'avis qu'il est obligatoire d'être en état d'ihram pour celui qui entre à la Mecque, qu'il entre à la Mecque pour accomplir un rite ou autre qu'un rite. Leur preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la Mecque, qu'elle est sacrée et qu'elle a été rendue sacrée par Allah azza wa jalla jusqu'au jour du jugement, et qu'elle n'a été autorisée, qu'elle n'a été rendue licite à personne avant lui, ni à personne après lui, et que la Mecque a été rendue licite au prophète sallallahu alayhi wa sallam un laps de temps de la journée, puis elle est redevenue sacrée comme la veille. Et ici, ce hadith que l'on a déjà traité fait référence au fait que Allah Azza wa Jal a autorisé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de combattre à la Mecque pendant un laps de temps qui était entre, dans d'autres versions, entre Dhuhr et l'Asr. Entre Dhuhr et l'Asr. Car le fait que la Mecque soit sacrée, il est interdit d'y combattre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même interdit de porter des armes à la Mecque. Donc le fait que, et cela même les polythéistes respectaient ce caractère sacré de la Mecque, qu'il était interdit de combattre à la Mecque. Et Allah Azza wa Jalla a fait une exception au prophète sallallahu alayhi wa sallam de combattre entre Dhuhr et l'Asr. Et cette exception n'a été donnée à personne avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr n'a été donnée à personne après lui. Et lorsque ce laps de temps accordé par Allah Azza wa Jalla au prophète sallallahu alayhi wa sallam fut écoulé, eh bien la Mecque est redevenue sacrée. Donc, les savants ont utilisé ce hadith pour prouver que celui qui entre à la Mecque doit rentrer en état de sacralisation. Et ils ont également pour preuve le hadith de Abdullah ibn Abbas rapporté par l'imam al-Bayhaqi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'entre que personne n'entre à la Mecque qu'en état d'ihram ». Al-Hafidh ibn Hajar a dit que la chaîne de transmission de ce hadith est bonne. ثم قال رحمه الله وذهب الإمام الشافعي في المشهور عنه إلى جواز الدخول بلا إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة وهو مذهب الظاهرية ونصره ابن حزم في المحلى وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو الوفاء بن عقيل قال ابن مفلح في الفروع وهي ظاهرة واستدلوا على ذلك بقوله في هذا الحديث ممن أراد الحج والعمرة وأجابوا عن الدليل الأول للموجبين بأن الحديث ليس له دخل في الإحرام وإنما هو في تحريم القتال في مكة وأجابوا عن حديث ابن عباس أنه موقوف من طريق البيهقي ولا يحتج به فيما عداها من الطرق والموقوف ليس بحجة ولم يوجب الله تعالى الحج والعمرة إلا مرة واحدة في العمر والأصل براءة الذمة إلا بدليل موجب. Puis Cheikh Al-Bassam dit, l'imam Shafi'i, et c'est l'avis le plus connu de lui, a pour avis qu'il est autorisé de rentrer à la Mecque sans être en état de sacralisation pour celui qui n'a pas l'intention d'accomplir le Hajj ou la Umrah. Et c'est également l'avis de Al-Zahiriya, et c'est notamment un avis qu'a soutenu l'imam Ibn Hazm, rahimahullah, dans son livre Al-Muhalla. Et c'est également une version de l'imam Ahmed. Donc on a vu au début que l'imam Ahmed, ainsi que l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa, avaient pour avis que c'était une obligation d'être en état de sacralisation lorsque tu entres à la Mecque pour accomplir le Hajj ou la Umrah ou autre que le Hajj et la Umrah. Et donc dans une autre version de l'imam Ahmed, une version qu'a notamment pour laquelle a opté Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah et Abu al-Wafa ibn Aqil et ibn al-Muflih a dit dans le Furu' que cette version de l'imam Ahmed est avérée. Donc ces savants, alhamdoukallah, donc ces savants ont pour avis qu'il est autorisé de rentrer à la Mecque même si, pour, si tu ne, n'as pas l'intention d'accomplir le pèlerinage ou la Umrah. Quelle est leur preuve? La preuve est ce qui est cité dans le hadith que l'on étudie. Le professeur Hassan a dit « Mimman arad al-hajj wa al-umrah » pour celui qui veut accomplir le hajj et la Umrah. Et ils ont répondu au premier dalil de ceux qui rendent obligatoire le fait de rentrer en état de sacralisation à la Mecque, quelle que soit la raison. Ils disent que ce premier hadith n'a aucune relation avec l'ihram. Le premier hadith, lorsque le professeur Hassan a dit que la Mecque a été rendue sacrée par Allah, etc., que ce hadith ne concerne pas l'ihram, mais il concerne l'interdiction de tuer à la Mecque. Il concerne l'interdiction de tuer à la Mecque. Et ils ont répondu au hadith d'Ibn Abbas que personne n'entre à la Mecque qu'en état de sacralisation, que ce n'est pas que cette parole n'est pas attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est une parole de Abdullah ibn Abbas. Et toutes les autres versions, autres que la version de l'Bayhaqi, sont faibles et ne sont donc pas prises en compte. Et le hadith mawquf n'est pas une preuve en soi. La parole d'un compagnon n'est pas une preuve en soi. La preuve, c'est la parole d'Allah et la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'autant plus lorsque la parole d'un compagnon vient contredire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, en l'occurrence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour celui qui veut accomplir le hajj et la umrah. Et parmi la preuve également, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a rendu obligatoire le hajj et la umrah qu'une seule fois dans l'année. وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ Et la base, c'est de ne pas obliger une chose aux gens sans une preuve qui rend obligatoire. Donc ici, Allah Azza wa Jal a ordonné d'accomplir le hajj et la umrah selon l'avis le plus fort des savants, une seule fois dans la vie. Le fait de dire que tu dois rentrer obligatoirement à la Mecque en état d'ihram, même quand tu ne veux pas accomplir le hajj, même si tu n'as pas l'intention d'accomplir le hajj et la umrah, c'est comme si tu obligeais les gens à faire le hajj et la umrah plus d'une fois dans l'année. Or, Allah Azza wa Jal ne l'a obligé qu'une seule fois. Car lorsque tu entres en état d'ihram, comment tu en sors? Comment tu en sors? Non? Tu en sors en faisant les rites. Si tu n'as pas l'intention de faire tu veux faire la tijara et qu'on t'oblige de rentrer en état d'ihram à la Mecque, pour sortir de ton état d'ihram, tu es obligé d'accomplir la umrah. Tu es obligé d'accomplir la umrah, de faire tous les rites de la umrah, de te raser la tête ou de te raccourcir les cheveux, et ensuite tu deviens libre et tu n'es plus en état de sacralisation. Donc parmi leurs preuves également, il y a le fait qu'Allah Azza wa Jal n'a ordonné le hajj et la umrah qu'une seule fois dans l'année, dans la vie, pardon. فائدة ما ذكر من الخلاف في حق غير المتردد إلى الحرم لجلب الحطب أو الفاكهة ونحوهما أو له بستان في الحل يتردد عليه أو له وظيفة أو عمل في مكة وأهله في جدة أو بالعكس فهؤلاء ونحوهم لا يجب عليهم الإحرام عند عامة العلماء فيما اطلعت عليه من كلام فقهاء المذاهب إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من التحريم على كل داخل إلى مكة بغير إحرام والعمل على خلافه. Puis Cheikh Al-Bassam rahimahullah fait une remarque en disant que toute la divergence qui a été citée ne concerne pas celui qui est amené à faire des allers-venus entre la Mecque ou entre la terre sacrée et la terre non sacrée. comme par exemple celui qui a besoin de faire des allées-venues pour récupérer du bois, ou pour aller chercher des fruits ou autre, ou celui qui a par exemple des cultures à l'extérieur de la terre sacrée, et qui habite dans la terre sacrée. Et il est donc amené à faire de nombreux allées-venues entre la terre sacrée et la terre non sacrée. Cheikh Al-Bassem dit que ce khilaf entre les savants ne concerne pas ce genre de personne, ou celui qui travaille, qui est employé, qui travaille par exemple à la Mecque, mais qui habite à Jeddah, ou l'inverse. Celui qui travaille à Jeddah et habite à la Mecque, donc est amené souvent à faire des allées-venues, que ce khilaf entre les savants ne les concerne pas. Et c'est l'avis de la majorité des savants, selon, comme le dit Cheikh Al-Bassem, selon ce que j'ai vu et selon ce que j'ai étudié comme parole des différents juristes, des différentes écoles. Sauf l'avis vers lequel tend l'imam Abu Hanifa, à savoir l'interdiction d'entrer à la Mecque sans état d'ihram. Quelle que soit la situation, quelle que soit la raison, et Cheikh Al-Bassem dit « wal amalu ala khilafi ». Or, ce qui est mis en pratique est le contraire de cela. Donc, la parole de Cheikh Al-Bassem, sauf l'avis de l'imam Abu Hanifa, qui interdit de rentrer sans état de sacralisation, sans état de sacralisation, quelle que soit la raison. Donc cela contredit la première parole de Cheikh Al-Bassem lorsqu'il dit, au début de la divergence des savants, que les savants sont unanimes sur l'autorisation de rentrer à la Mecque en état d'ihram, que ce soit pour le Hajj ou autre. Quand on dit autorisation, c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation. Or, parmi l'avis de l'imam Abu Hanifa, c'est qu'il est interdit de rentrer à la Mecque sans ihram, quelle que soit la raison. Donc si on dit qu'il est interdit de rentrer à la Mecque, c'est-à-dire que c'est une obligation. Donc, à partir du moment où l'imam Abu Hanifa dit que c'est une obligation, on ne peut pas considérer que les savants sont unanimes sur l'autorisation. Car l'imam Abu Hanifa, lui, considère que c'est une obligation. Et quand on parle de consensus des savants, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas de savant qui dit le contraire. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.